Chapitre 36e. Quand il eut traversé le pont jeté sur les douves du château, le duc rencontra M. de Bléret qui l'attendait dans la cour où il se promenait à grands pas. « Eh bien ! » lui cria le breton du plus loin qu'il l'aperçut. « Il faut secouer la poussière de nos pieds à la porte de Maingris et nous en retourner à Pontcarlet, » répondit M. de Carlepont. « Ah, je m'en doutais. Madame de Cipierre a passé par là. » Tout surpris, le duc regarda M. de Bléret. « Quoi ? Tu le savais, tu n'en disais rien ?»« Et si j'avais parlé, cela t'aurait-il empêché de voir Madame de la Morlaix ?»« Combien de haines, qui ne sont pas éternelles. Et puis je n'avais que des soupçons éveillés par de vagues indices. Il s'agissait de ton fils. À présent, que vas-tu faire ?»« Je vais chercher Henri. Il saura tout, et c'est lui qui me dictera ma conduite. J'ai pu me taire aussi longtemps que le secret que je porte dans mon cœur n'intéressait qu'au moi. Mais à présent que son bonheur est en jeu, je lui en dois la moitié. » Quand j'aurai tout dit, je verrai bien ce qu'il en est. Cette fois, ce sera véritablement la pierre de touche. Peu d'instant après, on pouvait voir M. de Carlepont, Henri et M. de Bléret seuls dans un endroit écarté du parc où se trouvait une clairière. Des chevaux sellés, tenus en main par deux domestiques, piaffaient sous les arbres. M. de Bléret, les bras croisés sur la poitrine, était adossé à un chêne. M. de Carlepont et son fils, aussi pâles l'un que l'autre, se tenaient debout près de lui. « Maintenant, tu sais tout, » dit le duc qui venait d'achever sa confession. « Cet homme, je ne l'ai pas tué. Son sang ne crie pas contre moi. J'ai chargé ma vie du poids de sa mort et il retombe tout entier sur ma tête. Je n'ai rien dit jusqu'à ce jour. À présent, ton bonheur est en cause. Faut-il que je parle ? La barrière qui est entre Léopoldine et moi, d'un mot, je puis la réduire en poudre. Décide. Ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. » Il ne s'agit plus de Madame d'Albreuse. Il ne s'agit donc plus d'un premier amour né de l'effervescence de la jeunesse, répondit Henri d'une voix lente. C'est tout mon cœur qui est en cause à présent. Vous connaissez Mademoiselle de la Morlaix. Perdue pour moi, je n'aimerai plus. Permettez-moi donc d'insister. Si cette vérité que j'apprends aujourd'hui pour la première fois était révélée à Madame de Cipierre, dans votre pensée, quelles conséquences pourrait-elle amener? Tu fais cette question sincèrement, dit à son tour M. de Bléret. C'est donc une réponse sincère que tu attends. Tel qu'un père la doit à son fils, un homme à un homme. Écoute alors, continua le breton. Oui, un mot peut te donner Mademoiselle de la Morlaix. Mais ce mot qui te la rendra tout entière, c'est un coup de poignard dans le cœur d'une mère. Elle a vécu dans les larmes, dans la pénitence, dans les plus sévères austérités. Elle a voué ses jours aux bonnes œuvres. Elle a sanctifié son deuil. Et tout à coup, violemment, parce que l'amour en passant t'a touché, te ferait entrer le remords le plus dur de tous dans cette âme endolorie. Tu dirais à cette femme, courbée sous un malheur irréparable, ce fils que vous pleurez, ce fils au nom de qui vous répandez les aumônes, c'est vous qui l'avez tué. Le meurtrier, c'est votre obstination, c'est votre orgueil. Et du même coup, tu la ferais tomber dans un désespoir sans limite. Elle n'aurait plus à son tour que la mort pour refuge. Si tu penses que ce droit rigoureux nous l'avons, parle, ton père est prêt. Là sont des chevaux. Au bout de ce sentier, deux routes sont ouvertes. L'une conduit à Pontcarlet, l'autre à la Maison Noire. Laquelle veux-tu que prenne M. de Carlepont ? Un mot et il part, et je pars avec lui. Une sueur froide perlait sur le front d'Henri. Mon père, dit-il, dans une heure, nous partirons pour Pontcarlet. M. de Bléret quitta impétueusement l'arbre contre lequel il était appuyé et vint prendre la main d'Henri. « Bien, mon enfant, dit-il, il n'y a de grand dans la vie que le sacrifice. » Un éclair de joie passa dans les yeux de M. de Carlepont, tandis que des larmes mouillaient ses joues. « Cependant, je vous demande une heure, » poursuivit Henri, « parce que je ne me reconnais pas le droit de quitter Maingris, sans voir une dernière fois Mademoiselle de la Morlaix. » « C'est alors un adieu, tu le sais, » dit M. de Bléret. « Je le sais, c'est un adieu. Va donc, M. de Carlepont et moi, nous t'attendrons à la porte du parc. » Henri rentra sur le champ au château et demanda hardiment à parler à Mademoiselle de la Morlaix. Elle était seule dans une galerie où elle achevait de dessiner un paysage. Elle le lui fit voir du doigt, coquettement. « Cela ne vous rappelle-t-il rien ? » dit-elle. Henri reconnut alors le coin de la rivière où le bateau sur lequel il s'était embarqué descendait au fil de l'eau. On voyait le moulin, le barrage, les saules. Mais au lieu de deux passagers perdus et cherchant un côté par où échapper au péril, Il y avait dans le bateau, assis l'un auprès de l'autre, deux jeunes gens qui souriaient la main dans la main. « On n'a pas tous les jours de ces bonnes fortunes qui mettent la vie en danger, » poursuit Mademoiselle de la Morlaix en riant. Henri sentit son cœur se fondre. Il prit silencieusement la main de Léopoldine et la porta à ses lèvres. « Qu'avez-vous ? » s'écria-t-elle en le regardant. « J'ai que tout est fini, » répondit Henri. « Mon père a vu Madame de la Morlaix. Ne me demandez rien de ce qui s'est passé dans cet entretien. Le résultat est tel que je vais m'éloigner dans une heure et pour toujours. » Mademoiselle de la Morlaix chancela, puis se remettant. « Je dois voir ma mère, je lui parlais aussi, » reprit-elle. Henri secoua tristement la tête. « Où parlerai-je, comme je le fais, si je conservais quelque espoir ? » ajouta-t-il. « Est-ce à dire que vous me rendez votre parole ? Moi, je garde la mienne. »« Ah, j'ai la mort dans l'âme !» s'écria Henri. Un tel désespoir éclatait sur son visage et dans son accent que Mademoiselle de la Morlaix en fut remuée jusqu'au fond du cœur. Elle fit violence à son trouble et lui prenant la main à son tour avec un mélange de tendresse et d'assurance. « Je vous crois sincère, » dit-elle. « Ainsi, comptez sur moi. J'ai l'âme courageuse. S'il ne s'agit que d'une question de temps, d'un obstacle à vaincre, ne saurez-vous pas attendre ? Fussiez-vous au bout du monde ? Si la route était devant moi, je marcherais sans repos ni trêve. Alors marchons bravement. Tel je suis, tel je serai toujours. » Henri la regarda, n'osant plus parler. Il aurait voulu que la terre s'ouvrît autour d'eux et ne les rendît plus. Bientôt après, ils couraient sur la route de Pontkerlé, tristement à cheval entre M. de Carlepont et M. de Bléré. Pendant ce temps, Léopoldine se rendait auprès de Madame de la Morlaix et ne lui cachait rien de ce qui s'était passé la veille et le jour même entre elle et le fils de M. de Carlepont. « Ah, tu ne sais rien, et il ne savait rien !» s'écria Madame de la Morlaix. Léopoldine se jeta à genoux et les mains jointes. « Parlez, je vous en supplie » reprit-elle. « S'il y a un secret entre vous, quel qu'il soit, faites-le-moi connaître. Vous savez si je suis confiante et soumise, ne me cachez rien, et ne me condamnez pas au désespoir en me disant « Ferme tes yeux, ferme tes oreilles, ferme ton cœur !» Madame de la Morlaix attira sa fille sur sa poitrine et l'embrassa. Les larmes qui coulaient de ses yeux tombaient sur le visage de Léopoldine. Alors celle-ci se serrant contre elle et les bras noués autour de ses épaules. N'était-il pas bon, jeune, aimable à tous, dévoué et tout rempli des meilleures qualités ? Reprit-elle doucement. Hélas ! Que lui reprochez-vous ? Si j'avais un frère, ne voudriez-vous pas qu'il lui ressemblât ? Voyez ce qu'il a fait pour M. de Lorgeril et pour l'enfant de cette esclave dont M. de Lantin nous a raconté l'histoire. Voyez en outre ce qu'il a été avec M. de Fortmaison. Ah, je le sais. Vous lui portez un coup terrible. Il s'éloigne sans se plaindre et ne vous accuse pas. Oh, ne m'accuse pas non plus. On dit qu'il a un point de fortune, mais pour vous, est-ce un obstacle ? Tu ne le penses pas. C'est donc le nom qu'il porte. Je n'en sais pas de plus honorable. Qui ne serait fier de s'appeler Madame la Marquise de Carlepont ? Madame de la Morlaix prit la tête de sa fille entre ses mains et la couvrant de baisers. « Eh bien, dit-elle, tu m'y forces, écoute-moi. » Elle passa plusieurs reprises son mouchoir sur ses yeux et d'une voix mal assurée. « J'ai toujours été une épouse honnête et soumise, dit-elle, mais à l'époque où je rencontrais ton père, monsieur de la Morlaix, j'avais le cœur déchiré et tout rempli d'un chagrin dont jamais rien ne m'a consolé. Je ne me suis reprise à aimer la vie que lorsque tu es venue. Madame de Cipierre, celle-là même, qui pour tout le monde s'appelle aujourd'hui la mère angélique de la pitié, avait un fils. Je ne te dirai rien de lui. Toute mon âme lui appartenait. Cet amour qui ne s'est pas éteint, il me le rendait. Malheureusement, sa mère résistait à toutes ses prières. Je n'étais pas d'une origine à flatter l'orgueil qu'elle n'a plus, hélas, mais qu'elle avait à cette époque. Désespéré, mais non vaincu, Paul partit pour l'Afrique. Tout à coup, la pitié toucha le cœur de Madame de Cipierre. Elle me tendit la main, m'appela sa fille et me permit d'ajouter une ligne à la lettre qu'elle écrivait à son fils pour lui communiquer la bonne nouvelle. Nous respirions dans la joie, nous vivions dans l'espérance. Le bateau qui revint d'Alger nous apprit que Paul était mort. « Mort ? » s'écria Léopoldine. « Après un déjeuner de chasse, monsieur le duc de Carlepont l'avait tué. Le duc ? Quoi ? Le père ?» Léopoldine ne put pas continuer. Elle cacha sa tête entre les bras de sa mère. Les sanglots la suffoquaient. « Tu commences à comprendre, » poursuivit Madame de la Morlaix. « À présent, comment pourrais-je t'embrasser si tu t'appelais Madame de Carlepont ? Mais attends, ce n'est pas tout encore. » Cette effroyable mort nous rapprocha, Madame de Cipierre et moi. Elle vit mes larmes et mon désespoir. Un temps, on me crut perdu, mais la jeunesse l'emporta. Mon père était d'une santé qui autorisait toutes les craintes. Il me supplia de ne pas lui donner ce chagrin de me voir seul quand il s'en irait. Madame de Cipierre elle-même me dit que c'était mon devoir de me plier à sa volonté. On me présenta M. de la Morlaix, je l'acceptai. Mon intimité avec Madame de Cipierre ne fut pas diminuée. L'amour de mon père, qui arriva bientôt après, l'augmenta. Elle devint ta marraine. Dès que nous étions seuls, nous parlions de celui que nous pleurions. La plus malheureuse encore, c'était elle. N'avait-elle pas des reproches à se faire? À cette époque, et tandis que tu jouais sur mes genoux, mêlant un peu de gaieté à nos tristesses, Madame de Cipierre était devenue la providence de la maison. Que de soins, quelle tendresse! Paul pourrait être là, disait-elle quelquefois en te regardant. Sur ces entrefaites, un malheur nous frappa. Dans une entreprise désastreuse, M. de la Morlaix avait compromis sa fortune et la mienne. Il pouvait tout perdre. La richesse, ce n'était rien, mais l'honneur même était engagé. Madame de Cipierre montra ce qu'elle était. Elle intervint et nous fûmes sauvés. Crois-tu que ce dévouement ne nous impose pas de grands devoirs? C'est de ton père qu'il s'agissait, ne l'oublie pas. Je n'avais pas besoin de cette révélation pour l'aimer, celle qui est encore près de nous. Un temps se passa. Madame de Cipierre était lasse du monde qu'elle ne voyait plus que par échapper. Un jour, et après de longues réflexions, elle prit le parti de s'en retirer. Elle se jeta du premier coup dans les austérités de la vie religieuse, sans en prononcer tout d'abord les vœux. Elle voulait en quelque sorte s'éprouver. Seuls nous la rattachions au passé. Le monde oublie vite qui s'éloigne de lui. Pour rendre cet oubli plus profond, elle entra dans une communauté, changea de nom et vécut pour la charité. La mère angélique de la pitié fit disparaître ce qui restait de Madame de Cipierre. La première fois que tu la revis sous cette robe noire qu'elle n'a plus quittée, tu te jetas dans mes bras en pleurant. C'était presque à l'époque où le hasard nous fit entrer à la Cormelle. Ah, ce jour-là, si j'avais été seul, et dès que le terrible duc se fut nommé, je serais parti, malgré la nuit, malgré la neige. Mais tu étais là. Ta grande jeunesse m'attendrit. J'eus peur de t'exposer à toutes les rigueurs de la saison. Déjà, tu dormais. Le courage me manqua pour m'éloigner, et nous restâmes. Je me rappelle que lorsque je me hâtais de partir le lendemain, tu me regardes avec surprise et que ton mécontentement enfantin faillit se faire jour. Tu peux deviner aujourd'hui ce que j'ai souffert pendant cette longue nuit, passée sous le toit de M. de Carlepont. Un instant, Madame de la Morlaix s'arrêta. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Léopoldine essuyait tendrement ses yeux, pleurait aussi et l'embrassait. Cette aventure, reprit enfin Madame de la Morlaix, laissa malheureusement dans ton esprit une trace plus profonde que je n'aurais pu le supposer. Un souvenir que je n'osais combattre, dans la crainte de lui donner une force nouvelle, te ramenait sans cesse dans cette petite maison où tu t'étais endormi un soir. Tu y avais laissé un ami que tu voulais revoir. C'est ainsi que tu parlais. C'est ainsi que tu nommais le fils de M. de Carlepont. Mais dès lors j'espérais que tu ne le rencontrerais plus. Quelle apparence y avait-il qu'il se rendit jamais chez nous après la glace de nos adieux? Lorsqu'un voyage te conduisit dans le Maine, je savais que le duc et son fils étaient à Paris. T'aurais-je permis d'y retourner sans cela? Mais un hasard a déjoué tous mes calculs. Il a fallu que M. de Lorgeril alla combattre dans un pays sauvage et que M. de Carlepont se trouvât sur son passage au moment où la mort l'a visité. Ma maison ne pouvait plus lui être fermée. Mais en le voyant entrer, au frisson qui m'a prise, j'ai deviné qu'un malheur entrait avec lui. À ce dernier mot, Léopoldine tressaillit de la tête aux pieds et cacha son visage entre les bras de sa mère. « Je t'afflige, mon enfant, » poursuivit Madame de la Morlaix, « et cependant je te dois toute la vérité. Tu sais dans quelles circonstances ta marraine est venue s'abriter ici. Au déclin de sa vie, elle a désiré se rapprocher d'une maison où par hasard celui qu'elle pleurera éternellement est venu au monde. Il y a ouvert les yeux à la lumière, elle veut y fermer les siens. On lui a permis d'y fixer sa résidence. Elle habite la même chambre, elle y fait préparer sa tombe. Elle s'entoure de bonnes œuvres accomplies au nom de celui qui n'est plus. Et un soir, la prenant par la main, j'irai lui dire « Bénissez cet enfant, je la donne au fils de celui qui a tué votre fils. Dis, crois-tu que cela soit possible? Une de ces fatalités qui autrefois divisaient les familles est entre nous. » Je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas appelée. Nous la subissons. Et si tu pleures, je ne pleure pas moi. N'ai-je pas rêvé pour toi le bonheur que je n'ai jamais connu? Et n'est-ce pas pour mon cœur la plus amère douleur que de te le refuser? Mais quoi? Tu deviendrais la fille même de celui qui m'a tout pris? Ah, tout mon sang crie et se révolte à cette pensée. Léopoldine ne répondait plus. On devinait au mouvement de son visage que son âme, un instant brisée par la force du coup qu'on lui portait, s'appliquait à rentrer en possession d'elle-même. Plus de sanglots, mais des larmes qui tombaient lentement. Elle se préparait en esprit au sacrifice. Pour l'éviter, point d'issue, il fallait le regarder bien en face et l'accepter. Madame de la Morlaix, qui devinait ce qui se passait en elle, la serrait sur son cœur avec des mouvements convulsifs. « Pardonne-moi, » reprit-elle. « Ce n'est pas tout encore. Je dois aller plus loin et rendre plus large la blessure que je te fais. »« Parlez, » dit Léopoldine. « Écoute, mon enfant. » Un jeune homme, l'ami de M. Henri de Carlepont, M. Gilbert de Lanta, a demandé ta main. Madame de Cipierre approuve sa recherche et te prie de l'accepter. Moi, je donne mon consentement. Léopoldine pâlit et joignant les mains. Vous savez, reprit-elle d'une voix brisée, que je ne disposerai jamais de moi-même sans votre aveu. Me sera-t-il permis au moins de rester libre? Ma fille, point de vaine illusion. Il faut t'habituer bravement à voir les choses comme elles sont. Madame de Cipierre a les droits réels sur toi. Non pas ceux que donne la naissance ou les liens du sang, mais d'autres, plus sacrés peut-être, ceux qui naissent de l'adoption, de la reconnaissance, d'une longue suite de services rendus et acceptés. N'es-tu pas lié par le nom que tu portes? Et si ce nom est resté sans tache, n'est-ce pas ta marraine que nous le devons? Moi, ta mère, je m'incline devant Madame de Cipierre, et une part de mon autorité, je la lui cède. Et puis, tu es trop franche, trop loyale pour lui cacher ce qui se passe en toi. Sitôt que tu auras refusé le parti qui a son agrément et le mien, elle cherchera, elle comprendra qu'un autre a sur ta main des prétentions que tu autorises, et cet autre sait. Laquelle de nous lui dira son nom? Ma langue se séchera, avant d'en prononcer les syllabes exécrées. Auras-tu plus de courage? Ah, dit Léopoldine en se jetant dans les bras de Madame de la Morlaix, que votre volonté soit faite. Je renonce à M. de Carlepont. Plus tard, nous parlerons de M. de Lanta.